بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام أبو المواهب عبد الوهاب ابن أحمد الشعراني رضي الله تعالى عنه في كتابه النفيس إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه، ومنها علم النشآت، وأن نشأة الإنسان لا تعطيه إلا توهم أن الحق تعالى في جهة الفوق فيحكم وهمه على عقله. منو منها مام سي خام خام يوي موتود باتاي خامنا عارفون بالله رضي الله عنهم نيوكو جاغو منو منها بوكنا سي خام خام يوي علم خام خام ان نشاءات ييغا خامني موم لا نيت ني دي سوسو مانام خام خام ييغا خامني موي خام خامو ليپ لو ادو سي سوسو سوسو وانت لي وير بور موي نش اثر انسان سوسو دومو ادم لا توتيه دوكو جوخ الا لودول tawahum muy def def le manam muy imaginer anal haqq naka bur yalla bi deug taala aji kay fi jihatil fawq mi ngi ci walu kaw manam ci côté ci direction manam ci kaw la ne fayahkum bu ko defé mu joxe atti wahmuhu ak def def lem ala aqlihi ci kaw xelam manam lol def def la la manam def def le moy lo xamne imagination la lo xamantene nit ki soko baye te réfléchir bu baax d'après son imagination bu premier ak nasha niko yalla sosé moy day japp ne yalla mi ngi ci kaw ci direction bobu lay ne lotax xalé nday yi so lan laaje da ngay gis bo ne le buñu gisé manam so lan day wax affaire yalla ñom dañuy japp ne ci kaw la ne d'ailleurs motax amna ben xalé nday sa bu mo mose ki mark mo and ak mom dom mer khadigay la bo bëgg xalé bu ndaw la ñuy and ci jakkaju parce que man dama jaarul seen kër jullu jot mané ko man damay dem ci jakkaju mo né ma dañuy and ñu and biñu andé amna lu mu wax mu né ma mais légui yow fekk mo doon laacc yalla mu né ma mé yalla mu né ma mé ñun ñëpp bu ñu tëddé ay 1h 2h du matin mu dal ni mom rek moy nek fe ci kaw dal di joxal baram ci kaw dal mom rek mo fay nek di lijeenti bo pare du nelaw kon fofu lay nek rek te du nelaw woniko wa du nelaw mom du nelaw de mais xam nga te lolou xam nga liko waral nak li waral def def le gogou en fait yalla sosé nonu minde fi moy qibla la motax ci kaw qibla pour xol yi la budé ñun suñu jëm yi buñu jaamu yalla di julli suñu qibla moy kaaba gi malaaka yi bi leen yalla doon wax nañu sujjoot seen qibla mam adam la dafa muy seen qibla alayhi salatu wassalam mais xol yi ci kaw moy seen qibla motax lool motax nit ki di def lay affaire bobu non bi japp ne yalla kon ci kaw lo wara ne mais bu pousser réflexion dina comprendre ni yalla espace munuko contenir té boko outilé ben direction manam moy woutul nga ko délimitation té yalla munu ñu imaginer mu am délimitation té mom mo créer espace bi ak temps bi manam espace bi la créer parce que temps en réalité temps du lu exister lu réel lu ñuy laal temps liko waral moy espace bi le fait que espace bi existe ba paré transformation c'est à dire que ben événement di xew benen événement téggu ci ñuy gis lool non lool mo waral temps existe succession d'événements voilà succession d'événements ak tahayyurat manam moy changement yi ak situation ni ñuy changer événements yi ak circonstances yi ak jawu ji ak et cetera lool mo waral temps am mais temps du lo xamantene lu réel la lu ñu mëna laal lool mom motax ba dara amagul won temps amul bi espace bi amul temps mom amul lol mom motax yalla nek qadim manam nek ko xamantene ak tambalem amul fumu yam parce que lan parce que temps dafa nek lo xamne dafa créer wu après manam lol motax muno yobbu affaire bi dans le temps manam muno ni temps bi amul won fu mu ñam fi yalla bi yalla ay tambalé di fi nek dedet yalla da fi nekkon rek c'est parce que temps après la créer wu al par te li créer temps moy espace bi mais temps du luñu téyé lolo tax am du mutanahiya du khayru mutanahiya manam du lo xamantene dañ nan amul fu mu ñam lol motax en réalité du lu existe réellement espace bi motax temps am motax espace bi amou won temps du am waaw kay li sa borom nak subhanahu wa ta'ala kon nimu bindé xolou nit ñi moy né sen qibla ci kaw la mom moy sen qibla nga gis bu ñuy ñaan dañuy yëkëti suñu loxoy gis nga moy ci kaw parce que yërmane ak yalla fa lañ koy xaaré mu koy juggé di wacc comme tay taw ak yu mel non mais cela ne veut pas dire que motax même mo bo xolé alcorane da nan dam ko wacce inna anzalallahu lay wax ak yu mel non mais téréwul yalla am budé yalla rek yalla mom amul espace amul direction maintenant nak lolu yalla manam légui nak lolu le fait que yalla manam nit ñi ñuy soso nen légui ñu am ay kon préjugés yo xamné imagination yiko waral moy yalla non la leen bindé dès le début à l'origine lol nak dafa am yo xamantene day nek deug am yo xamne du ne deug comme nit le fait que ñukoy bindé ci ne yalla mom amna kokku mom lol deug la mais le fait que ci kaw la ne lolou même boudé non lañ ko bindé du deug mais liko waral deug la moy qibla xol moy qibla bi manam ci kaw moy qibla xol bi xol yi lolou mom moko waral voilà mais nak ay adju ci ñi nga xamné naturellement non la yalla bindé nit ñi ñu sosu lolu yoy xam xam la motax même motax parti bi motax wajoy da non ñu gisoon ci chapitre 2 bi moy ki gaay ñom cheikh abdess de bahra de la ki ñu fekk ci il bi mom dafa jappone yalla mu ngi ci kaw gis nga ñom ñu téré koku niko dedet bu japp lolu da nga wamin a bok na ci elmo xaw almu hafiz xam xamuk ar fil alami ci aduna bi wa man ak nga xamantene xofisa ar nañ len min wu ci mom wa bimaadha ak ana lan motax xofisa ñu di len ar ñu ar len wa mimman ak ci ñan xofisa lañ len aré walimaadha ak ana lan motax xofisa ñu ar len lepp lu tourner donc ci walu ar manam ak garde amna nak ñu soufi radhiyallahu arifu ne ñom luñu wax hifz ak karange moy surveillance dafa am ay parti yu bari yuñ ko xajale bok na ci moy liñu wax hifzul aada moy sam kolere gi te lool mom moy nit ki le fait que muy taxaw exactement ci liko yalla wax manam muy samonté di surveiller bopam par rapport ak frontière yiko yalla teureul waaw de telle sorte que yalla duko baña gis mukk fum ko digel pour né dama la bëgg gis place sangam heure sangam ba paré tamit yalla duko gis mukk tamit fo xamantene bëgg ko fa gis samonté gogou nonu muy samonté lolou nonu lolou bok na ci liñuy wax hafzu ahd al ubudiyya manam moy sam kolle rek mbumu jamu gi bok manam lool moy mbumu jamu le fait que nit ki japp na yalla ci bopam moy bour bi mom daf ko wara jamu bok na ci liñuy ahd al rububiyya moy hafzu ahd al rububiyya moy ar tamit le fait que yalla ci bopam nek borom bi nga xamne moy borom minde fi te mom lepp te sam te di nek nga xamne mom moy administrer lepp di yewenen bir yep bok na ci liñ nane hifzu ahd at-tasarruf bok na ci liñ wax hifzu ahd al-haqiqa ak yenen ak yenen yo xamantene wala imam al-fashani rahimahullah innaka lataif al-i'lam ala kulli halin lolu kon ay xam xam la dal lepp lu aju ci walu karange surveillance ak lan motax ñu surveiller bi ci aduna bi lan motax ak pa pourquoi ñu ar ko manam moy ar ko moy garder ko sauvegarder voilà lan motax ñu sauvegarder ko lan motax ak ci par kan à cause de kan motax ak ci lan par ban biais ban moyen ban objectif voilà ak ban objectif et cetera wa mina bok na ci xam xam yoyu ilmu xam xam al hasil lay mam lay aji joté lay aji am fi aynil ghaibi ci jëmik lu fadu ak fi aynil ghaibi bok ci jëmuk lu fadu wa minu te bok na ci xam xam bobu moy wa asa fi alquran wa asa deug deug leg leg antakrahu man ngeena bañ han sip sey ak mbir dara wo wote lolo mbir moma ngeen di sip khayran moy aji gën lakum ñeel leen moy ay bobu nek ci suratul baqara ay numéro 216 manam lo xamantene dafa fadu lu fadu moy lu absent lo xamantene présent wu leg leg xam xam yeey nga xamne la cay xew événement manam ya cay amé lolu xam xam yi ci aju mune nak bokku na ci xam xam yoy moy nga comprendre né effectivement né leg leg nit da lay bëgg da lay bañ dara ndekete xamul né lolo gën ci mom voilà donc tout ce qui tourne autour de ça té le fait que tamit lolu di fadu affaire bobu naron la dal té dalu la té nga nek fi ci présent bi ben affaire ben situation dal la ngay jamm situation bobu voilà xam xam bi nek ci affaire bobu mom muy gis lolu voilà ça dit arafu di gis li di gis lolu voilà mom da koy xam muna wa mina bok na ci xam xam yoy ilmul qillati xam xamu new lu new wal kasrati ak lu bari bari limon nañ ko wa parce que dafa am yo xamne leg leg day répéter mais sous une autre forme. Ça veut dire que c'est la même chose, sauf que c'est sauf que day am dans un angle peut-être qui est voilà, différent. Voilà, voilà. Ba paré day am ay quelques différences yu ndaw ndawal. Finesse yo xamantene peut-être ñom ñokoy gëna xam. Xam nga waxon na la né la. Moustapha mom du xam entre par exemple psychologie, psychiatrie, etc. Lan mo leen wutale? Si canaliste xawma nan yoy non. Alors que ñom ki spécialisé ci domaine yoy mom da koy comprendre. Comprendre ñom tamit dafa dañu am ay xam xam yo xamantene boko bo ci spécialisé do comprendre. Ils ont des points de similitude mais voilà. Ils sont différents. Voilà, ils sont différents. Voilà. Moy wa annatil werwurma insan nit ki kulama sa yo xamantene ala yikiti kuna qadruhu ak day ak dayom maqamam indallahi fa bur yalla ta'ala ji kawaji qallat day new ulumuhu xam xamam liktifahi ngir doylo gi mi doylo bi tadbirillahi ci soppandiku bur yalla ta'ala ji kawaji lahu ñel ko wa kulama ta sa yo xamne na nazala wacna an hadhihi rutbati ci bobole ak martaba sharifati bay aji tedd ittasaad day gëna yaatu ulumu xam xamam wa yaani ñi ngi namu bil qillati ci neew bi zaati manam moy ci jëm min tariq ash-shuhudi ci yoonu jakarlo manam moy melni da nga teewé mbir mi di ko gis gis gu leer ci ay mbiru zahir ak ci batin manam moy lan moy en fait dane xam xam bi ni moy lu beure ak lu neew bok na ci mona tete li wër boor moy xam xam bobu nit ki ko am da ci day comprendre benen affaire moy ne nit ki sayu dara jam yekiti ko fa yalla rek xam xamam yi nga xamantene mom lay amé manam par rapport mbindi fi motax mais pas lu aju ci yalla parce que lu aju ci yalla mom xam xam bu fokk day yok mais xam xamam bi aju ci yenen mbindi fi yoy non da koy minimiser mom day gëna niw par manam par rapport ak nimuy yoko motax mais pas par rapport ak limu ci am mais par rapport ak proportionnellement ak nimuy yoko c'est à dire que kon limuy xam ci walu yalla moy gëna kawé par rapport ak limuy xam ci walu mindi fi comprendre nga lool la ci djublu moy plus xam xam ci yalla di kawé waaw plus xam xam ci mindi fi di gëna niw ci nimuy évoluer voilà pas ci nombre bi muy am mais ci nimuy évoluer légi niki nonu sa yo xamantene martaba am day gëna wacc xam xamam ci yeneen mbinde fi di gëna yaatu koku nak arif bi motax ñu wax arif billahi bi mom motax ñu wax voilà légi yoy yep ci sopandiku bur yalla lay amé manam mom ndax lan ndax ki astaghfirullah manam ki lune ki gëna yëgëtiku day gën di doylo sopandiku bur yalla manam da na yalla dal lumu def ci mom rek lumu dogal ci mom ci mu xam ko rek mom lool lay jëma xam du jëma xam leneen manam lu yalla dogal ci mom mu xam ko rek lool da koy reuy ba pare fu ko yalla yëkëti mom yalla ci bopam lay bëgg xam mais xam yi ñi xam motax même yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nango qur rabbi zidni ilman nan waxal ne yalla dolle ma xam xam xam xam bu adu ci yalla ak melom ak jëmum subhanahu wa ta'ala manam adu ci melom ak magayam subhanahu wa ta'ala lolo tax muy wax mais amma xam xam yu adu ci walu aduna mom amul luko ci umpon ba yow mal qiyamati li fi xew yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla wonanako lo lolu mo amul dal lu ko ciumpu lolu tax mu don doxé muy joxé information yo xamné ba légui ni ñu né ni dañ koy gis lolu motax lolu tax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam amul dara lu ko umpoon ak lu ko mënona jaaxal ci lo xamantene dafa aju rek ci biti ci zahir yi ni ba paré affaire yu gëna profond lay wax yo xamantene day profond ci domaine yépp nak waxa day xoot waaw motax même xolal li salman wax radiyallahu anhu mune ñun amul benn picc bu naaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gennul aduna amul benn picc bu naaw loolu ñu jàngé ci ay xam xam yu bari ndax yaronte bi moñu ko jàngal sallallahu alayhi wasallam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mbolam li xew gisoo muy xew li nga xamantene mom moy peuple ñan nit ñan ñoy tuup ñan lañuy attaquer ñan ñoy lañuy mësa xéxal ñan lañuy yeen dekk lañuy mësa ubbi lan lañuy mësa am yépp waxnako amul dara lu ñuy dess lu mu ci dess yeenante bi sallallahu alayhi wasallam jangal amul dara lu mbay lu dul jangal nañu waxna sax problème yi nga xamantene ñom manam ci domaine yépp duggu na ci domaine yépp amul benn domaine bu mu bayyi té lepp deug la sallallahu alayhi wasallam motax yalla lepp lu aju ci minde fi yalla xamalonako mais li aju ci yalla nak mom la modul jeex motax lolu la don lan la ko yalla ne wax ma ma dolle na xam xam ci lola la don dolle ko xam xam waya dolle ko wul won xam xam ci minde fi parce que lolu yep maîtriser won nako ni nga xam nga nak rek deug la wa salam xam xam yalla sey limité wa amu hadith bu nan amna sahaba bu la yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam diko wax non sahaba bo deme ba lo xamanteni ne alquran waxuko te man waxumako nan ngay def mu'az hadith mu'az la radhiyallahu anhu moy daf ko don wax moy daf ko don jang bon daf ko don la jangal pour xam nan la ijtihad manam lolou problème ijtihad la moy problème fiqh la mais du problème bon lolou hadith bobu bu fekke wirna parce que borom xam mi dañu wuti ci wir mais ala kulli hal hadith la bo xamne même bu wirul borom xam xamé dañ koy nangou d'ailleurs usul yu ne rahmatullah alayhim hadith bobu mom lañ def mu nek base ijtihad ci en tout cas ci domaine bobu ci hadith yi moy daf niko wala moy bimu ko yoni yaman wala mu laj ko neko ci lan nga may atté lo mu neko ci lan ngay atté mu ne ci téré yalla bi mu neko bo gisul nak ci téré yalla bi mu neko ci sama sunna ci sa sunna mu neko soko gisul nak mu ne attahidu ra'yi bu ko defé ma dadi fexé ba xol sama gis par rapport lima jotta xam ci diine ma xol sama gis ci walu gogou non lol wala manam lolou mom moy parce que aussi nit ki mais problème bobu problème bi nekul ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ci waji la waji manam ci nit ki mom mo meunu to pek xam yop wala lol mais yenen tibi sallallahu alayhi wasallam lepp lu aj ci diine mo xamnako sallallahu alayhi wasallam wala deng kon legi motax mune la liñu nam ci niw moy li nga xamantene dañ koy gis ci yoonu zat manam ci yoonu shuhudi manam mom moy teewal gi nit ki di teewal mbir yi di jakarlo mom di ko meuna contempler di ko xam nga xamantene ci yeg yegam yep yi zahir ak yu batini dañ koy daldi meuna gis voilà denga yoy tamit ci seen biir amna ay martaba yu bari deng mu ne wa minu bok na ci xam xam yoy ilmu xam xam wal ikhtisasat yeñu jago wa minu te bok na ci ilmu xam xam hikmat xereñu ikhtisas jago bi mu jago at tawrat bi kitabati ci binduk al haqq bur yalla ta'ala ji kawej la ñeel ko mom tawrat bi yadihi ci loxom ma andak adami ñak xefziha ar ko ar giñ koy ar minat tabdili ci soppi wa tahrifi ak tahrif moy tahrif moy tay falsification falsification wa falsifier quelque chose voilà moy tahrif d'accord moy manam fi moy moy xam xamu ikhtisasat moy li nga xam tane mom la mbir yi di jago lol motax jago mbir nit ki am ben jagle tekki wul ne mo gën ki amul jagle bobu nit am ben jagle tekki wul ne mo gën ki amul jagle bobu en fait au final ça ne veut rien dire quoi voilà en tout cas ça ne veut pas dire que ni mo raw ñi ci dess que li nga waxul kéro rek lay japp nek nit ki bu amé ben jagle c'est parce que peut-être niveau spirituel la mo kay ouf wa leg amna ci yenn yo xamne nit ki da koy am fekk niveau spirituel am kay wut très très bas waji ko rom 10000 fois plus wa do am lol non wala kalam di waji def mom du ko def la du ko man sax wa ko xamantene wa jo xamantene day man legui tay ab talibum tay budé lap ci geej ga legui mu man ko dindi legui ni mu yeku rek da koy jeli jiko legui dindiko genné ko am ko raw fouf nga xamantene bu talib bay lap mom du ko sax yek yalla téré mu koy dindi denga legui lolou mi ngi melni tay sayyidna omar radiyallahu anhu nga xamantene mbedd mu mu jaar sheytane dañ koy daw abou bakkar siddiq radiyallahu anhu moko raw te amul won lolou comprendre ak yu mel non legui jak manam comme tawrat bok na ci tawrat le fait que yalla ne ci loxom la ko bindé loxo nak teki wul ben membre physique lolou mom na leer a particularité la bu yalla juñju di wax di juñju ci lolu legui bu fekkante ne particularité bobu mom la yalla bindé comme ni mu né dafa bindé adama ci loxom ci ñaari loxom sax la wax lolu tamit particularité la bu spécial lolu lay tek mais tekki wul membre physique legui lolu nonu yalla def ci digënté adama mom alayhi assalam mais par exemple mu défal ko par exemple tawrat andak ne tawrat bi ko yalla defé lolou yépp li yalla def lolou yépp ñu bind ko ci ak qalamul qudra manam bindu katan gog jox ko yent yalla musa alayhi assalam ci ay alwah moy ay alwa moy liñ nane alwa ci wolof alwah voilà ñu def ko mu nek ay alwa andak lolou yépp yalla sam ko comme ni musa me alquran c'est parce que lolu tawrat moko particulariser te alquran dañ ko wacce rek yenen tib sallallahu alayhi wasallam don ko mokal diko jangal gaay diko bind ñen ñi mokal et cetera mais particularité bobu taxul ñu ne tawrat mo gën alquran d'ailleurs buñu démé bëcc ci pandaw ga ci dañ xamné taw alquran gën ci ay ma anam yu bari sax alquran gën le fait que ñu waccé ko ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam té muy gën ci mindé sallallahu alayhi wasallam rek doyna ci walé alquran gën mu dess le fait que yalla sam alquran té samul tawrat inna anzalna tawrata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu wa yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء غيس nga manam kon tawra yalla bimu ko wacce mune dafa ni ah yenenti ayu sallam ci nimu ko wacce yenenti yoy nagn ci suk manam yenenti al musa alayhi sallam mune me yenen yenenti yi ñew ci ginnaw yenenti al musa alayhi sallam ñom tawrat lañ doon sukkandiko ci lañ doon atté wo hatta yenenti yalla isa alayhi sallam motax mune wa allamnahu tawrata wal injil motax yent yalla Musa yent yalla Isa alayhi assalam yalla alquran daf ni dagn ko jangal tawrat ak injil parce que injil amul ay atté en fait injil amul ay atté ay parole de sagesse la yo xamantene dafa tasawufé manam c'est plutôt spirituel motax chrétien mel non chrétien bo len gissé ñom amuñu ay atté hein ay li yalla yalla yi bëgg li lay téré yi li ci ñom liñu am rek moy dégg luñu wax ay way je et amour je et ki il faut xam nga manam sen genre wax yoy rek ngay gis lolo ko indi amour je sincérité et mon voilà nous sommes tous frères ñom yoy nonu lañuy développer lolo liko waral moy tawrat parce que tawrat moy téré de base bi motax comprendre sax porter wax djoju quoi voilà xam nga ko xamul yalla do yu bare bare do xam te chrétien xamul yalla yent yalla ku dulup julit mëno xam yalla deug deug nañ ko wara xam lolu motax ñu bok ci yéféri parce que lolu tax du ba paraxé nak ñuy bokal yalla de wax affaire trinité tout ça et cetera bon légui kon ye ki num tudati kon tawrat mbolam yonenti ñew ci ginnaw ñom motax ñu mom lañ doon sukkandiku motax ginnaw alquran tawrat mo gën ci téré wa in nan la ko wax da bim nan bim waxe ci tawrat ba paré mu ne qul fa'tu bi kitabin ahda minhumā attabi'u gis nga fekk mo wax alquran ak tawrat ba paré daal ni jox leen ma ñaari téré ne waxal yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxal gaay ne len indi len ben téré bo xamantene mo geuna djup ñaar yi moy tawrat ak alquran ak tawrat mo wone ne kon tawrat mo geun ginnaw alquran mais tawrat yalla dafa def ci mom manam spécificité bi particularité bi andak ne mu yalla neena dama ne gaay borom xam xam yi gaay ñu ñew warabaani yu na moy ñu fess del ak yalla nga xamne dañoo fess del ak yalla ci ñooñu nga xamantene ñom ño nekkon ci xet yu jëk ya ñom la waxon ne nañu artire bi alors que boudé alcorane mom yalla dé waxul lool alcorane yalla dani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna ñun ño wacc alcorane dhikra alcorane lay tek fofu ñun ño wacc alcorane ñun yalla té ñun ñokoy aral suñu bop yalla koy a kenn mënu ko changer kenn mënu ko falsifier kenn mënul firi alquran firi budul nonu te gaay duñ ko xam alquran mënu ci dindi ben xaraf te gaay duñ xamne waji djumna waji lim wax nu ni bis bo fi ñewé ni da ngay jaay nit ñi xam xam bu reuy ba jëm fe wax ludul non ci alquran ben xalé bu ndaw moy djug ne serigne bi lim wax du deug parce que ni mu firé ay bi du deug nangam mo la warona wax tafsir kat yef di lañ wax nangam diw demal ci tafsir diw nangam ni la ko wax diw ni la wax diw ni la wax ba gaay yep daj mu xamne ko roi serigne moy defare quoi yalla lol lay def de yalla du setan dinem ci kenn diko monopoliser di nax nit ñi ci malifaro yalla du ko def lu fi way xam ci lo xamantene munuñu ko ñak xam day tax ba nit ki ba nit ñi buñ ko xamul duñu artere bi lu fi way xam amna keneen ku ko xam wala ñeneen ñu bari boy wax lu du nonu gaay di ko gem kon dañu ñala sam ñi xala tank téré bi ki rek moko mënu firi wala téré bi li rek lay wax wa dedet amul ben xaraf la wax virgule la wax virgule ci alquran wala ci sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam même bu dé hadith bu da'if la wax ludul borom xam xam yi leral lañ ko nang tu bayu ndar yitté rek ka ci dess sakku xam xam am yitté jeexna point final du lenen dé gaay dañ leen di nax dé dañ leen bëgg gëmlo né la affaire ay may kessé la dedet deug la mayu yalla la mais mayu du gis nga gor gorlu kessé la ku gor gorlu yalla may la limu gis nga li Seydou Aliou Boye doon wax té wax na deug bu ngum beugewul dané bala ngay wax né diw yalla dako may défal limu def té amul limu am bo défé limu def yépp té amul limu am nga doga taxaw né diw nak yalla moko may mais yow deful lolé mu def amul lolé mu am nga bëgg jaxlé bu yëm jaaral fu mu jaaral wa top yoon wa oui fi amul dara luñ fi soppi dara am fi amul dara fi lu fi kenn manul kenn mënu fi wax lu fi kenn mënul xam mën nga wax nak lo xamantene mbolo ma nga nek yop wala ñanga bokal xet wala yoy ñom xamuñu li ngay wax yow parce que ya len raw lool mën na ne mais lu kenn xamul dedet te lool dafa fekk ne ñom ño gattañ lu do fekk ne ñom ño deful effort wa legi est ce que fi mën nga def différence bi entre wa nit mënul wax lu kenn xamul wa ak nit dina deg ci ay alquran lo xamni ni kiko jangal mom deg ko waw amna waw lu sew sew bobu firil mako waw xam nga dafa am lu lo xamantene dafa leer moy li nga xamantene munul ñak ci alquran nit ñi xam ko la bu da borom xam xam yi dañ koy bind yaxal ko ci sen tire yi wala bok ñu jangale ko ñukoy jotlante de generation en generation waw te lolu du rir abadan waw mu dess li nga xamantene parce que lolu mom moy tax diini ji meuna taxaw mu dess li nga xamantene nak nit ki yalla moko koy may mu nek deg bo xamantene yalla da ko koy may te lolu suko yalla day def dina ko may deg may kenen deg may kenen deg may kenen deg benen yenen yu bokut ak ñom seen bop ba nga xamantene kenn ku ci nek bu dajale gis nga arifuna yi par exemple radiyallahu anhu ñom seen deg yi ñi am ci alquran sa su ne day renouveler wu seen xam xam yi day renouveler wu mais luñu ci wax borom xam xamu sharia yi bu fekkenteni xoot nañu deug geejju nañ dañuy dem mën ko genn indi tek wala bok ñom duñu wax lo xamantene borom xam xam yëpp dañ nan liru ni mën ta ne kenn mënul wax lo xamantene borom xam xam yëpp dañuy d'accord ne lu ni kepp ko xamne dafa wax lo xamantene borom xam xam yëpp d'accord nañ ne du non c'est parce que limu wax du non tout simplement parce que mënul wéet mom kessé mel nonou té parce que attention ci bir borom xam xamu zahiri ci la arifi né wala bok lu upp ci arifi ci lañ né waw ci bir borom xam xamu zahiri li upp ci ñom ci la arifi né tay boy xol masalan bindum Seydou Hadji Malick radiyallahu anhu pour joxe l'exemple wala Cheikh Hadji Omar radiyallahu ngay xol seen tire yi wala Imam Sha'rani bi sax rada lan ngay gis da ngay gis ni xam xam yi ngay xam li waat yi ci di wax ay xam xamu zahir la manam ay xam xam yu feñ la mom lañuy wax de telle sorte que day accessible à la compréhension même xoral borom ibris malgré limi nek kangam yimi wax da ngay gis ni dafa manam lu compréhensible c'est très même compréhensible voilà luñu mëna xam la donte dafa compliqué mais and ak lolou yep tay bo jëlone masalan ay ñom Alhadji Malick ñom Cheikh Hadji Malick ñom Cheikh Omar Fouti radhiyallahu anhu et cetera ñeneen nga lire sen tire yi mais tu c'est à dire que ñom as-sawi borom haa salal jalaline te ko xamne mom mo nekkon sen khalifa ñom khalwati yi sen jamono ak ñu mel non ñom Cheikh Ahmed Darri ñu wax talaalim et cetera ay qadi iyan khol qadi iyan rahma wallah nga xol sen tire lan ngay gis da ngay gis ne ki zahir xam xamu zahir daf ci fess bel lol ngay remarque mais en réalité xam xamu batini non lañ ci fessé aussi ñom ñi ce qui fait que kep kuy wax ci xam xamu zahir lul non dinañ la mëna corriger ku wax ci xam xamu batini lul non dañ la mëna corriger té buñ lay corriger mën nañ le corriger ba paré té do xamné ci batine lañ ko corriger da ngay défé né ci xam xamu zahir bi lañ ko corriger ndax lan ndax lepp luñu wax dañ koy délo wat ci source yu magi alcorane hadith borom xam xam yi nénañ donc légui pour résumer li nga wax wa dafa am luñu wax par exemple buñ né bismillahir rahmanir rahim wa dafa am signification globale wa bo xamné ni buñ ko firé ñepp dañ ci jot wa lool moy signification dafa am kon ñaari façon signification mo am buma comprendre li nga wax moy signification bo xamné ni signification globale sommaire bo xamni bu bo ko xoy buñu jëlé bismillah rahman rahim firiko firi bobu ñepp dañ koy mëna dañ koy accessible comprendre ci xam xam ko la war mu xam nak légui mu am sous entendement bo xamni yalla daf koy may ku nekk waaw ku nekk ci ñi xoot ci domaine bi ci ñi xoot ci déjà ci domaine zahir bi rek tafsir zahir rek amna ci lo xamantene boy te xol teer tafsir yu bari da nga ci gis ay yu bari lu bari bari la du lu tuti après mu dess ci bir xam xam yoyu non da nga ci gis ño xamantene tamit dañuy am xam xam bu bari bari bari ci bir lo xamantene deg deg la parce que mais lepp batay ci zahir lay dess batay yeguguñ ci domaine batin bi batay ci domaine zahir bi parce que deg deg la entendement rek la entendement bobu yalla da koy defal kuko neex mais leer la bu yalla di wacc ci xol nit ki bo demé nak ngeen lo di gën di avancer nit ki nak bu ay maqam yegge bamuy am ma'rifa di xam yalla ak yu mel non daf ci am entendement yo xamne batin la batin nako ko may ay leer la yum ci gisse ay haqiqa yu muy dund di fey ci geedju leer ak geedju secret ak geedju haqiqa yi lol moko waral mais wajoju nonu koku kep ko xamne da nga ñew prétendre lolu ba tax ngay wax lo xamantene arifuna yi ñom xamuñu ko ñom da nañ la mëna corriger parce que li upp ci arifuna yi ay borom yi xam zahir nañ en même temps mais xol comme serigne rek serigne yi tarbiyé waté lu ci upp dañ xam nga comme ma cheikh abdass da bari da délan ñom bari wuñ ci torop bo len comparer par rapport ak ñeneen ñi ci def li upp ci serigne yu mak yi nitu yalla yu mak yi radiyallahu anhum xam xamu zahiri dañ ci fess bel tamit ñi ci melni cheikh abdass da bax nga xamne xam xamu nga xamne ay arif yu mak nek ay siddiquna yu qutbu sax lañ mais xam xamu zahiri xootuñu ci ñoñu bari wuñ lool mom est très limité voilà mais ñen mais te ba pare ñom ñi même buñu melé non à leur époque dinañ am ay boromi xam xamu zahir yo xamantene dañuy nek ay arif comme ñom kep ku prétendre nak di wax ci batin nan wala ci arif ci ma'rifa yoy non di ci wax lo xamantene du nona borom xam xamu zahir yi ñoy ñew feñu la mbubu zahir dindi li nga wax fekk ci ma'rifa bobu xam xamu batin bi lañ dugg mais voilà mais le commode mortel duñ ko xam dañuy defene waji mom da lire ci tire rek motax muy wax li mu wax wala motax mu dajju li waji wax fekk du lolu mom dafa xamne waji lim wax du amna erreur ci côté batin déjà dafa am erreur lolu moko pousser mom pour mu rectifier ko ba mais ci côté zahir la koy rectifier lotax ngay gis souvent gaay yu beuri defene salaf yi ñu ndik ñaan ndik amuñu won ay batin yenn batin wala yoy lotax gaay yu diko fokk c'est parce que luñ dan corriger nit ñi dañ leen gaay dañ ko dan corriger ci zahir tel imam abu hanifa wax ak imam ash-shafi'i radiyallahu anhuma dañ dan wax nan in lam yakun al-ulama awliya fa laysa lillahi waliyyun ala wajhi al-ard budé borom xam xam yi ni budul ñom ñoy waliyyi mudé ñom duñ way waliyyi kon yalla amul waliyyi ci kaw fi lool lay tek té loolu lu important la voilà mais dal diiné ji mom kenn mënu fi dindi kenn mënu fi indi lo xamantene kenn mënu ko vérifier dedet lolou kenn mënu vérifier mom kenn duko fi wax d'accord waaw donc dal lolou dal nga mëna expliquer différence bi am entre nit ki xam ben affaire waaw mu ki ko voilà ak ko xam tane parce que nit ki même bu ko yeggé xam nga nit ko xamantene tay yalla daf ko may ben deg ci ben affaire lo xamantene presque kenn jitu wuko ci mais borom xam xam yeb dinañ xamne ki lim wax deug la ñom ci seen bop duñu mëna dindi li waaji wax donc ñom le fait que ñu nopp ci affaire bobu c'est comme si ñom dañ ko deugël tamit ci lim wax moy walé ni kon ñom tamit à partir du moment où waaji wax nako te ñom ñu mbir mi seen xol ubbe ko ci nangu ko lolu moy tektalen après ñom kon xamone nañ ko mais sauf que seen xel mo ci demul woon lolu lay tektal moy day tektal ni ñom xamone nañ réalité bi mais seen xel la ci demul woon mais mën nañ ko mënon nañ ko xam sans waji wax ko le fait que sen xol ubbe ko ci accepter ko lo lay tek waaw munaw mina bok na ci ilmul jabri xam xam jabru moy forcer munate waminu te bok na ci xam xam bobu ci xam xam bobu bok yeshadu ci lay cede ci lay jakkaro ak al abdu jambi anawone kan mom kat majburun dagn ko jagn manam dagn ko forcer fi ay nit ci jëm ikhtiyarihi tanay fam wa natil werbo ma ikhtiyar tanef musahibu mo ngi and ak mom fi ba'd al af'ali ci len ci jëfi la kullaha way du ci lepp wal jabru jabru nak manam moy jagn gog nga xamantene moy forcer gog akhiruma moy mujjeentel li nga xamne tan taxi ci lay daytalo ilahi jëm ci mom al ma'azir manam wala bok ci benenu ki al maqadir moy dogal yi wa zalika lol mom lolou nak sababu moy sababu ma'al mujjeentel ak ahlur rahmati ñooñu yermane ila rahmati jëm ci yermane gi nga xamne mo yermane bur yalla subhanahu wa ta'ala manam xam xam bi aju ci walu forcer lepp lu aju ci walu forcer lolou dafa am xam xam bu ci aju bo xamne arifu ne ñoo xam ra dal mu ne ci bokku na ci xam xam bobu nak mu ne fofu nonu ci le nit ki di gisee ne mom ndekete même bu deer mu day wax ne dafa tan en réalité yalla moko obliger ci mu melni mu def xolal motax alquran wax wax ne wama tasha'una illa an yasha Allah xolal legluma wa faman sha'a kep ku mu sok minkum ci yel fal yastaqimna djub na tegu ci yoon bu djubbi lu mu ci tek wama tasha'una waye lu len sok illa an yasha Allah lulul khanaay mu sok yalla rabbul alamin akay borom min def wa amna ci benen wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wa ma tasha'una dulen sop illa an yasha Allah lulul musab bur yalla deglu lim ci tek inna Allah li wor moy bur yalla aliman musul denj nek ko xamne inna Allah kana bok aliman musul denj nek ko xamne dafa sax di nek ko xamantene aliman ko aji xam la limi degal xamna li nit ñi di wara def ci yeb minde fi yeb li fi wara xew hakiman ba pare ku xereñ la ay atté manam ni muy attéwé ni mu dogalé mbir mi ba pare daf ko tek ci xereñ ci sagesse pour wax na la na même dogalam yoy le fait que même muy obligé ni mbiri ni la wara démé lool tamit daf ko tek ci xereñ ci sagesse bo xamantene nak par contre secret bi ne ci ginnaw dogal gi même yenenti ali musa sallam yalla da ngeen ko nubbu waaw secret bi ne ginnaw dogal deggo lool xam nga ja bokor na ci xam xam bi moy secret bobu nonu cagn lako yenenti ali musa sallam bu yowmal xamete ban moment lañ koy découvrir ñom ak lan motax ñu nubbu leen ko ak et cetera bok na ci xam xam yu arifu ne yam voilà même yam ci yalla sax dañ leen neub ce kër ndogal loolu lu yalla jagolam manam moy amna sagesse bu ne ci ginnaw yalla dogal ki nek julit ke nek yefe ki dekké lu bax ke dekké lu bon ki wara dem aljana ke wara dem safara te lepp moko dogal bu ko ne nim ko nexé ni la amé ki dekk ci wër ki dekk ci febar ki dekk ci sacc ke dekk ci jakkaji di julli yalla la neex lepp lolou motax ku xam yalla deug da fay am ñaari côté yu muy xolé mbir yi lolou dinañ ci yexi inshallah lolou dinañ ci yexi ñu bañ ko anticiper expliquer Moustapha parce que instant moy bu ñëk bi moy day xol mbir mi en tant que ni lepp yalla comme moko dogal mom lolou neex nako ndax yalla ni la ko bëgge lolou benn la mais benen bi moy le fait que nak liñu dogal nak legi day xol est ce que li neex na yalla ci sharia am bi wa wala det lan la yalla wax ci sharia am bi par rapport ak li lolu tamit mu xolé ko côté bobu di bëgg lolu wala mu koy bañ di mer wala muy contant wala waye nit ki dina xamné en fait comme ni ko nan la ko alcorane waxata sax bim nan ma kana lahumul khiyara wallahu yalla muné wallahu bur yalla yakhluqu mo bind wax xartu mo tan ma kana lahumul khiyara mindi fi amuñu dara luñu tan yenenti bi sallallahu alayhi wasallam sallam radhiyallahu dañ ko laaj niko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ban ñaan lo ëpp limuy ñaan bu nekké ci sa biir kër muné daf nan allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika yow bur yalla mi nga xamne yow yaay jallar bi xol yi yalla nga saxal sama xol ci sa kaw diini ji ci benen riwaya sarif qalbi ala ta'atika yalla nga dak sama xol ci may ma lay top nga jëmele ko fofa mu ne loolu ëpp lu muy ñaan mo yalla moy jallar bi xol yi ma min qalbin min qulubi bani adama illa huwa bayna asbu'ayn min asabi'ir rahman yataqallabu fihi kayfa yasha amul ben xol ci xolu doomu adamay luddul mu ngi digeunte ci ñaari baram ci baramu bur yalla yi num ko nexe lakoy jallar bi ko lakoy jallar bi en fait au final Moustapha choix rek choix mais ñu amu choix choix amu fi xewulu yalla lañu xam man dal xewulu yalla la xam té lool lañuy wax ku yalla dimbali mo fi am ku yalla dimbali mo am mais jambar amul en réalité loolo tax gëm dogal motax mu bok ci fondamay gëm yi ndax day tax bok na ci gëna mak yi tax nit xam yalla bok na ci gëna mak yi tax nit ki am jikko yu rafet ndax xam nga nit ki bu xamé ni déjà yalla lay dogal déjà day wétal yalla ci xolam ben ñaarël ba moy du reuy li tax du reuy moy da nga xamné mom ni mu mel ak limu am yalla moko def keneen bu melul ni mom wala amul mom limu am c'est parce que yalla mo bëgg ko ka bañ ko am lol tamit da koy comprendre kon du reuy ba paré xam na ni ëlëk ci biir yalla heure bu ko nexé mu renverser situation yi lol tamit xam nako kon du reuy du iñan tamit lutax du iñan parce que day xamné yalla moy dogal ki limu am yalla moko dogal man bu mu fekente ne dama bañ lolou c'est comme si dama nan yalla li nga dogal moma neexul may melni dama jima xex yalla ci dogalam kon duma iñan buma gëme dogalu yalla bok na ci moy duma gistal ndax dama xamne nit ki mënuluma man de toute façon bu ñepp dajalo won pour jariñ ma duñu mëna jariñ bu neexul yalla parce que yalla rek ka fi leen di dogal bu ñepp dajalo won pour lor ma duñu mëna lor kon nak lutax may ngistal yalla rek kay tax may def ak wala may bayyi dumay du awjuf moy japp ne ngandala di yem sa bop lutax du ko def parce que day xamne yalla moy dogal mbir mi heure limu mel mom ba tax mu wara japp ne man dal vraiment neexul bu neexul mais duma morom gaay deug deug ngandala manam li tax mu wor ko considérer lolu dootu ko defete ndax day xamni xewul yalla kesse mo fi ne yaay deug manam jariñ yi dafa bari ci lolu déjà motax c'est fondamental gëm dogal c'est fondamental ci ngëm yalla nit ba nopi nit ki su ba paré nak day wañi ay kiwum ay critique infondé du ko def waji bam buy critiquer même yéfir day ndanku motax day yam rek ci né nangam baxul nangam ki mais du né nit ñi duñ ko intéressé parce que day xamné yalla do tout façon mo dogal manam ay affaire yu bare le gëm dogal di jariñ ba paré nit ki su gëmé dogal day commencé xam yalla musuma gis ben affaire bu gëna gaaw ci xamal nit yalla directement de telle sorte que nit ki lu muy gis da ci gis yalla ke gaaw ke gëm dogal gis nga nit su gëmé dogal tay bu gëm ni yalla moy dogal lepp ba paré lolu mu nekk ci xolam sa su ne mu diko réfléchir lu mu gis day melni day gis loxo yalla ni mi jallar be affaire yi ngelaw lu mu gis muy euf sax day gis ni yalla moko dogale ni mu gis ni yalla manam di defé administre di administrer adunaam bi ni nit ñi bouger ni nit ñi di nekk ci wër di fièvre di ki ni nit ñi dem il voit la main de Dieu partout voilà ok musuma gis lu gaawa yeggale nit ci yalla ci walu go ci xam tax nit xam yalla deug keug gum dogal ano gum dogal mom moy fondement bu mak la ci diini ci mola inna kull shay'in khalaqnahu bi qadar wa ma amruna illa wahidatun ka lamhin bil basar wala alquran wax lepp lo gis dagn ko bind ci dogal hadith comme li hadith omar ibn khattab radiyallahu anhu neena ci tabarani solo nako rahmalahu mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ne yawmal qiyamati su amé yalla day wax ana ñi nga xamne ñom ñoo gëmul won dogal ñun ñi ne ñi ngi ni mune len mune zuqu masasqa mune motax aye bob na innal mujrimina fi dalalin wa sur mune ñi nga xamantene ñi gëmul dogal lay tek fof mujrimina way jom ña jaamu moy ñi gëmul dogal deug fofa mune ñoñ ñi ngi ci sankute te bir safara lañu def yawma yushabuna fi nar ala wujuhim zuqu masasqa mune gis nga jour yowmal qiyamati dañ leen di jël nekk leen ci seen xar kanam yi nekk ko ci bir safara yalla bu ko defé yalla daal di leen di wo de nga le hadith bi daal ne bu ko defé yalla daal di leen di wo daal di leen zuqu masasqar comme ni ñewé ci alquran bi ci ay mos leen saqar safara bobu nga xamné mom mo nekk 4e niveau bi ci digg bi 7 la mom moy 4e bi mune mos leen safara bobu mos leen ko bu ko defé yalla daal di leen di wax ne inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar ñu lepp ci dogal lañ ko lañ ko defé won motax benen hadith bi nek ci sunan bayhaqi rahmalahu yalla nbi sallallahu alayhi wasallam al qadariyatu khusama'u llahi yawm al qiyamah ñi bañ dogal ñoo ñoy xulo wala yalla yawm al qiyamah wa motax nit ki gëm te ba pare nit ki bu gëmé lu mu gëm ne yalla ko dogal day mëna muñ day def luko dal mu meun ko muñ nanguko tranquillement du am ben problème par rapport ak lool ay déprimé ak yoy du ko fekk ay xaru ay yoy du ko fekk xamna ni liko dal ni dafa fekk ne dafa neex yalla bis bu neexé yalla mu teggiko no gëm dogal mom man xawma luko gëna mëna gaaw ci yobbu ko nit yobbu nit ci yalla ci walu gog man xawmu rek no xam yalla tax nga xam yalla di gis katanam manam sañam xam xamam dolem ne lu ko neex rek kay am no nga diko gis ni muy wër ci aduna bi nga ngay jakarlo ak affaire yi di xam ne yalla nu ko neex lay jallar be mbir bi kenn munu ci dara te du taggu kenn lolou non nga diko xam no gisuma lu ci gën gëm dogal ba para day tax nit mandu day tax ak mandu tem gëna ki ba paré buy critiquer day def attention tout temps parce que day objectif ci critiquem suy critiquer rek dañu objectif parce que dina comprendre nak quoi qu'on puisse dire yalla ko dogal limi fustiger quoi qu'on puisse dire yalla ko dogal kon de gëm yalla deug de kon nek manam la critique sax doko def ci gol au final wa di nga def attention la en tout cas wa motax fi ma la don wax xamna lolou buñ ci yeggé dañ ci ki rek mum la la wax ne la manam en réalité nit ki ñaari beut yoy lay am par rapport ak situation bu né situation moy beut bu ñëk bi mi xolé affaire yi moy né yalla moko dogal kon comme yalla ko dogal c'est parce que ni lako bëggi kon neexna parce que su neexul won yalla c'est très simple su neexul won yalla du xew parce que yalla kenn duko forcer su neexulone yalla du xew lolou ben la ñaarel bi parce que ñaari possibilité mom moy mbir mi xew wala mu baña na xew bu deug au moment où mbir mi xew na moy ne kon li la yalla bëgg parce que bu yalla bëggoon leneen xew loloy xew lol moy premier but ñaarelu but bi nak moy mu xol mbir mi ci côté sharia lolo tax tamit ak mandu tam ci walu sharia lay gëna gaaw prononcer wu yalla dogal nako li ci atem ci katanam ci bëgg bëggum ci xam xamam def nako li la mais maintenant ñu xol lan la sharia wax ci li parce que ñun ci lool lañuy atté motax kenn mënul layé dogal kenn duko layé tay par exemple do fekk nit kuy naan sangara nga wax ko mu naan la bayima yalla ko dogal xam nga lool du nekk yalla momu deug la xam nga yalla ko dogal mu naan sangara deug la mais yalla da ko téré won mu naan sangara lolo tax nak lolo dañ ko ci lolo du doy gand du ngant deuxième aspect de motax waaw day intervenir lolo tax nit ki nak di meuna dem safara wala aljana par rapport ak ay jifu ba fara différence amna bu clair bu évident entre li nga xamné nit ki dako def te tay ko ak nit ki limu def te tay ko waaw nit ki nga xamné dañ ko jël yanu ko door ko benen nit mo nit ko ka dé lolou xam nga tay ko de ray gi mu ray nit mom moko ray mais du directement moko ray mais indirectement du jëf tayu ko mom ndax dañ ko jël door ko kenen ki mais par exemple mom ci jëmi bopam bu xolal waju yëkëti ko mbëkk ko mu daanu dé day xam né mom il est responsable deng wa mina bok na ci xam xam yow al mu xam xam ak tadakhul dugante ak wa dawri ak weur weurlo fi nahwi ci kemu mam ci lu melne yalla bi mi wax ci hadith qudsi bi ne ma sahra hadith bi yenen bi wax sallallahu alayhi wasallam hadith min sahih al bukhari rahimahullah sahih imam muslim rahimahullah min inna allaha lu bor moy bur yalla la yamal lu tayal hatta du tayi hatta tamal lu mbete yen ngeen tayi moy dugulante le fait que boucle di am circuit bi di fermé wu boucle bi affaire bi di dem di delu ci wat comme lu démé néké xam xam bi addu ci lepp lo xamantene non la démé moy en général automatique non lay démé tout ce qui est automatique non lay démé moy affaire bi day am résultat bi dañ koy pointé wat ci entrée bi sortie bi voilà mais surtout que entrée bi da fay sortie bi day dépendre fonction la bo xamné day dépendre ci entrée bi mais aussi que entrée bi dañ koy boucle sortie bi dañ koy boucler wat ci entrée bi de telle sorte que lu guen comme résultat fait day dikat pour meuna continuer wat le cycle se répète en fait voilà répétition du cycle voilà mom lay wax né kon mune lu démé né ka hadith bi nan par exemple yalla du tayel fek yeen yalla du tayi fek tayi wolen yalla du tayi fek tayi wolen lol nak tekiwul ne comme ni ibnu usaymin do wax nan ce qui veut dire que ne yalla dana tayi comme mais tayam ak suñu tayi du ben xam nga lan moy tayi est ce xam nga li tayi paris wa tayi moy dem ba nga xam tane manatuma ci man dal bayina tayina sonuna voilà anana voilà fek yenenbi sallallahu alayhi wasallam da do wax bo len day jamm yalla na ngeen def li ngeen man parce que yalla du tayi fek yeen tayi wolen moy comme tay par exemple nit ko xam tay bu ñewon comme li annawi wax rahmalallah moy mune tay par exemple bo gisee nit ko xamantene boy buy wérante ak yow manam ngeen di argumenter yow fek ngay indi argument mom dana indi argument fek ngay indi argument mom dana indi argument bu la contre bo deme yow ba amato argument sax mom mën na continuer yeen argument yo xamne dalay door la bu baax mune malgré lol dañ nan waji de bo tayiwul du tayi c'est ça ne peut pas dire que ni yow so tayé mom lay tayi mais ça veut dire que yow so tayiwul mom du tayi té mom amna yenen argument yo xamantene mën na la gagner encore di gëna dig di la gëna duma encore nga xamantene comme li gaay def souvent wa al-sunna souvent buñuy wérante ak seen gaay nitu bi daay souvent nga xamanteni dañuy indi argument gaay daalu ñu continuer di le lap indi wal la manam ci 10e argument bi déjà gaay daalu nañ ñom ñu jëf 50 wala 100 argument di lap waji rek sama re lap continue buñ né waji gis nga waji té bo tayiwul du tayi ça ne veut pas dire que ni yow so tayé mom day tayi mel limi tek rek moy yeen feek yeen ngi jëf jëf ju baax xam leen ni yalla dana leen ko fay lool rek ngay tek feek yeen ngi jëf jëf ju baax yalla dana leen ko fay wa minha bok na ci ilmu xam xam manzilatu wa ta'at alquran alquran wa liman ak ñal ci kan jaala dikke wa bima ak ci lan jaala dikke wa ila ayna ak fan yaudu lay delu chehe lu aju ci alquran xam xam yu aju ci alquran moy le fait que mu wacc ci sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam lenn lu ne ci alquran comme li doon wax amna yalla ku nek amna lum la ci defal ay deg deg yum la ci may ay leer yo ci tibbi ay secret yu ci nek et cetera mais sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam lutax mu ñew ci mom kesse c'est parce que mom rek moko atal doole gi leer gi et cetera ak ci lan lay delu ak fan buñu démé tay ba alcorane ñu war ko yëkëti ci fan lay déllu wat ak xam xam yi ci aju mënomina bokk na ci elmu xam xamu taklif toggu jëf kulle toggu moy responsabiliser kulle shay in bëpp mbir hatta mbété al atfal xalé yu ndaw yi ar rabi'a yi nga xamne dañeen ar rudda yi nga xamne dañuy namp né yalla kenn ku ci nek dal responsabiliser da nga nek ko xamantene mukallaf nga moy tu es responsable mune même xalé yi namp mune fa inna llahi wa rabbuhu bur yalla azza tedd na wajjalata magna teranga ak magga gop xelu minde bi la yadibu du mbugal ibtida an ci tambale wa inna ma li ambadas moy yadibu du mbugal jaza an ci fay fa jami al alam mbole mu met metti alati yi nga xamne taxulu dana joté li tifli dana am li tifli ci xalé bu ndaw bi jaza an ak fayla li fi'al li fi'alihi ci ay jofum xam nga li mom ñom rek ko xam arifu ne rek ko xam rabbi yalla an moy ne ndekete aduna bi kep ku fi nek tu es responsable manam kon sécurité même animaux yi dañu am responsabilité wa de telle sorte que mune yalla xalé bu ndaw bi namp nga xamné xalé bu lire la lire méthode yi koy dal mom dafa jugé ci djëf bu mu djëf yalla téggu ko fo ci tossal ndax yalla du tégg méthode kenn fekk amul lo def ba mérité même bébé bi xamugo dara waw amna lu mu def motax affaire bi di méthode waw lool la wax Allahu akbar bëgg xamugo dara waw ki namp wala mënu la wax waw kay motax mu tekki na mëno wo wote gis nga li ilmun xam xam la bo xamne khasul bu jang wala bi ahl al kashf ci ñoñu kashfu dévoilement wuñu ak tam gu mat sekk ko amul dévoilement wu kashfu bu mat sekk do am xam xam bi ni do xamne ki li tax muy joy li koy metti ndekete mi ngi joge ci jëfum sangam ak sangam te lolu responsable la ci motax on la programme développement total voilà pour mëna xam lolu voilà remonter à la source voilà ndekete dara nit dara du ko metti ak lulul nit même ali moy dara du len metti ndekete lulul ne c'est parce que amna lutax ñom amna luñu def même lire bu ndaw bi nam c'est parce que ils sont responsables xam xam bobu non mo arifou ne rek ñoko xam son arif yi man jéram to jog defo non mais ñom gay hein mais légui yow bu len comparer ak yonenti waaw alayhi wassalam c'est des prophètes dedet seenuñu fondu yenente Allahu akbar ba pare arif attention li moy arif arif amna ñuko fété kaw amna kuñu wax waqif ko xamne mom day taxaw ci mbiru boromam yépp momum leppum yalla da koy won siddiq siddiq ne ñoo tamit maqama bu kaw lañ manam ñom ñoo manam siddiq ne ñom ñoo fété kaw arifu ne radi Allah anhum arif ni ni mag am na raw waaw manam siddiq ne ay arifu ne lañ fo nga xam lool mais degré supérieur voilà ba para ay maqama lañ ñom tamit seen biir ba para ñoo et cetera mais tay ku mag degré siddiq mo meuna yow waaw degré siddiq na nga meuna yow siddiq waaw mëno ko fars qutb bi sax siddiq lay fofu la meuna yow waaw qutb yi ni wa diwan bi ni seen qutb yi qutb yoy non ñuy am juroom ñaar ñoo siddiq la maqam siddiq la ñam mom mafatihul kunuz amna 4 la ñoom fofu lañ mëna 4 ité waaw mais ñu kémana lañ nak ñoom mo fa taxul ko nusi ñoom ci ñu gëna kémana lañ bok ñoom sax ko dubbi rawul leen ci lepp ñoom amna côté yo xamné ñoo gën khutbu bi ñoo ci gën khutbu bi am côté yo xamné khutbu bo leen ci gën mais sino khutbu bi mo gën ñepp ñi nga doon wax nga wal té né ñoom khutbu bi sax mëna leen baña raw ah hein da nga néwon amna wa mafatihul kunuz la amul ñeneen ño xamné ñoom dañoo mën nañ khutbu bi raw leen mais dañuy rar ci jamono afrad yi wa mais ñoñu khutbu dañoy khutbu lañu doon mais après dañuy fété kaw dañuy dem ba am niveau bu kawé bok ci afrad yi du képp kuy khutbu mom fardu nga dé fardu maqama bu kawé la ñoñu nak malaikatul muqarrabin yi la mala malaikatul muqarrabin yi lañ tollol waaw ñu gën ci malaika yi waaw mo ñi nga xamné wacc ñu ñoo gëna jégué waaw ñoo gëna jégué yalla mais qudwa mom ak ñom ñepp ci maqam siddiqune la mais nak ñoo upp tuti far afrad yi moy far yi ñi la sax ñom ñoo upp doole ki siddiqune yi ñom ñoo upp doole siddiqune yi ñom entre siddiqune ak yenente yi lañ ne ñom lañ wax afrad yi mais nak ñoñu en général khutbu lañu doon mais nak mafatihul kunuz mom ay gaay yu kemaane lañ te borom yi sañ lañ borom yi doole lañ te ñoñu motax cheikh tidiane radhiyallahu anhu dafa au début dafa ñëkkon defé né ku bok ci mafatihul kunuz mo upp doole khutbu mom loolu la fogon motax mu bokon ci dem bok ci mafatihul kunuz après ci la comprendre né nga té khutbu mo leen upp doole té fekk nak ku nek ku bok ci mafatihul kunuz doto mëna nek khutbu mais mom spécialement yenenti bi sallalahu alayhi wasallam moko may affaire bobu spécialement mais mom rek la nga xamne bo xese woné nga nar moko na ci mafatihul kunuz après mu nek khutbu mais khutbu mom boko bëggé comparer par rapport ak aduna bi mi ngi melni ruh ci yaram ni ruh mel ci yaram de telle sorte que amul ben atome ci yaram bi lulul ne ruh bi mo koy taxa dund moy tax muy yëngu moy tax muy mëna fonctionnel ruh bi bu génné yaram bi yépp ay dé lepp en même temps ci saasi aduna bi non la mel khutbu bi nonu la mel par rapport ak aduna moy amu aduna mo koy moy am bi mais kon est ce que mën nañ japp ne fofu bu aduna bi doxul khutbu bi mom mën na ba len de buñ ko yëkëté mom buñ ko dindi won aduna bi dotul amaté day mab leppay mab ko mën nañ wax né kon khutbu bu muñti don jamono bu muñti non bës bi génn aduna aduna bi day bizarre non day am ko remplacer avant muy dem né ci remplacer succession day wa succession mom fokk mom mais aduna bi de ko yëk ah xawma de mais dal succession mom fogg mo am d'accord lolou dal xawma mais par rapport li nga wax ci am bi dal waaw mais succession mom fogg waaw succession avant mu jeul aduna kan waaw mais dina am dinañ trouver mom kan moko wara remplacer avant muy dem souvent mais li yeme moy ne dañu ne waaw mais ñi ko wara remplacer waaw ñi ñi ay nit ñokoy tan waaw ñom la ñom ño leen di tan ñom ñokoy tan ñom waaw wa diwan bi ñokoy tan xam nga diwan bi dañuy am ay inspecteur waaw ma ngi deg amna seen benn cour mo deglu yeen ñaar waaw ngeen di wax seen abbas wala la deyan xam nga seen abbas nak ci ponk lu gaay nekkon ci diwan bi la bokkon mais radiyallahu anhu mais xam nga ñom apparemment sax nekkon na fa khutba benn jamono bon si si wala bela mais ki c'est que xam nga day am inspecteur moy ñom ñuy rijalul xey bi nga xam tane ñom tay buñu proposer nit ci diwan bi buñu proposer nit c'est qui vont faire l'enquête ñom ñoy def enquête bi pour xam est ce que wadi il est moy ñet du ñet fa def yi c'est ah wadi wan bi wa wa amna en tout cas amna ci ñom ño xamantene ñom ñoy inspecteur ñoy def enquête genre cohort quoi voilà genre escorte lañu doon waaw mën nañ nek nombre varié wala nombre fixe mais dal ben ki lañu doon dañuy ñew en tout cas dinañ ñew vérifier ci voilà dox waaji maintenant voilà ba paré buñ ñewé duñ waaji du ko gis ñu xam nañu ngi fi waaw mais amul deva ay sériñ yi def lolu ak sen talibé di len vérifier wa ah xeyna du ñak lool mom du ñak mom serigne ci mom souvent dañuy faral di xol yefi talibé ah waaw yi dëkk ak di xol seeni mbir ci ci souvent di xol seen xol di xol seeni affaire yi tout ça di len joxe da bir serigne da serigne dëgg yi en général mystiquement ñom souvent conseil ñi jox seen talibé day fekk jamono gogu talibé conseil bobu lay sol waaw leg leg waaw ñoom ñu dir ah saxuruba mais xam nga lolu motax ñoom motax fa faire attention dal manam dal de toute façon nit ki dal li gën ci mom moy mu jaamu yalla te kum ko top ko te bëgg nitu yalla yépp radiyallahu anhum ci bir ak ci bit bëggel go xamne yalla moy tax mu bëgg leen waaw ba para bëgg jullit ñepp tamit ba para tamit di jëma top diiné ji wa bu gisé sëriñ bu baax bu ko mëna orienté mu top bu ko gisul na japp ci diiné ji té bu kenn tax nak mu bayyi ben principe bu diiné ji bu gisoon ñepp ñiko wër ñuy violer principe bu diiné bi ci ni mu xam ko même buñ dé ay kilifa diiné la bu mu leen faalé bu mu leen top ci loolu parce que day xamné ñoñu ay dañu manké en tout cas par rapport ak diiné ci manké nañ ci lu tollok li ñuy violé oui waaw ba paré mu sincère rek digënté ak borom yalla dina ko yëkëti la budda loolu du mëna ñakk lu yalla dogal ci mom rek mu jël comme mbir yëpp ci dogalu yalla la jël lu yalla dogal ci mom rek mu jël waaw وا و خمنا نيوم فوق ان شاء الله ان شاء الله والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين